psaume numéro 61. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je suis inébranlable. Combien de temps tomberez-vous sur un homme pour l'abattre, vous tous, comme un mur qui penche, une clôture qui croule? Détruire mon honneur est leur seule pensée. Ils se plaisent à mentir. Des lèvres, ils bénissent. Au fond d'eux-mêmes, ils maudissent. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je reste inébranlable. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable. Comptez sur lui en tout temps, vous, le peuple. Devant lui, penchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. L'homme n'est qu'un souffle. Les fils des hommes, un mensonge. Sur un plateau de balance, tous ensemble, ils seraient moins qu'un souffle. N'allez pas compter sur la fraude et n'aspirez pas au profit. Si vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. Dieu a dit une chose, deux choses que j'ai entendues, ceci, que la force est à Dieu. À toi, Seigneur, la grâce. Et ceci, tu rends à chaque homme selon ce qu'il fait.